m'attire, ton sourire me traumatise. T'aimerais que je te dise quoi? Depuis le buzz j'ai plein d'histoires. Autour de moi y'a des vestes qui se tournent, mais j'ai décidé d'y croire. Ma beauté tu veux me quitter, je n'en reviens pas. Je t'aime, tu le sais, mais je te retiens pas. À la vie, à la mort, à la haine, à l'amour, on se détruit par jalousie. Ma beauté tu veux me quitter, je n'en reviens pas. Je t'aime, tu le sais, mais je te retiens pas. À la vie, à la mort, à la haine, à l'amour, on se détruit par jalousie. Ma beauté qu'elle est belle, je ferai tout pour elle. Beauté du haut level, avec un corps de rêve. Ma beauté qu'elle est belle, je ferai tout pour elle. Beauté du haut level, avec un corps de rêve. Ma beauté, ma beauté, ça passe ma nuit. Ma beauté, ma beauté. Du haut level.